m'entoure, je suis plutôt incrédule. Mes idées, j'en ai fait le tour, j'attends plus le futur, je capitule. C'est foutant de savoir que la terre est polluée. Attendant la serviette de plage au mois de janvier, j'ai pas de vision, pas de passé, juste ce qui anime les gens à m'ignorer. Alors blablabla quand je préfère me taire, car je prospère pour mes affaires. Ton avis, j'en ai rien à faire, perdre mon temps à t'écouter, t'as un vrai calvaire. L'enfer, c'est d'être au milieu de cette bande de faux instruits. À l'instar de la sodomie, je te fais mal, puis tu m'apprécies. J'jetterai pas de pavé dans la mare, c'est bien trop lourd à soulever. Et ça me paraît bizarre quand le point d'eau est asséché. Ma vie est fabuleuse, car seule la nuit m'est lumineuse. Ma silhouette se fond même sous un soleil de plomb. Une tête de mule qui ne cumule que les prouesses et les échecs. Ce qui me stimule sont les plaques nulles et ignorez vos têtes. Je suis l'être au second plan qui a fui la tempête. L'homme qui n'est pas là et qui n'a jamais voulu l'être. Près de moi, tu ne vois pas. Parle-moi, je n'écoute pas. Tu m'oublies, tu t'en vas. Je suis l'homme qui n'est pas là. Près de moi, tu ne vois pas. Parle-moi, je n'écoute pas. Tu m'oublies, tu t'en vas. Je suis l'homme qui n'est pas là. Sacaré, tu no me ves. Háblame, no te escucho. Me olvidas, te vas. Soy el hombre que no está. Cerca de mí, tú no me ves. Háblame, no te escucho. Me olvidas, te vas. Soy el hombre que no está. Souvent je me sens seul, jamais je me sens triste. Je garde mon orgueil, restant toujours stoïque. Le monde est fantastique, le monde est fantastique. Le monde est fantastique. J'aimerais être cet ange aux ailes blanches mourir. Être cette feuille qui tombe découvrir. Pouvoir toujours sourire, je suis cet enfant qui veut s'épanouir. Polluer votre merci bleu, illuminer votre univers si creux. Parler à des filles qui m'intéressent. T'as tellement sucé de bits que t'as ton nom dans le Guinness. Respecter mes promesses, ne pas sombrer dans la paresse. À tous ces hommes pour qui paraître et maître, je tire ma révérence. Tu me demandes mon avis, nada. Voilà ce que j'en pense. J'ai trouvé un beau soulier, mais Cendrillon m'a rembarré. Une page blanche sans cahier, un cendrier plein craqué. L'homme qui n'est pas là sur mon épitaphe gravé. Pour mes funérailles, que sur ma tombe il s'aille gerber. Près de moi, tu vois pas. Parle-moi, je n'écoute pas. Tu m'oublies, tu t'en vas. Je suis l'homme qui n'est pas là. Près de moi, tu vois pas. Parle-moi, je n'écoute pas. Tu m'oublies, tu t'en vas. Je suis l'homme qui n'est pas là. Sacaré, tu no me ves. Háblame, no te escucho. Me olvidas, te vas. Soy el hombre que no está. Cerca de mí, tu no me ves. Háblame, no te escucho. Me olvidas, te vas. Soy el hombre que no está. Sors de ma douche, un long soupir coule de ma bouche. Une pierre fanée de fleurs tombales, l'épitaphe coule de source. Une arme blanche ouvrant mes veines, un homme amant reprend mon règne. Trop de raisons couvrent mon geste, trop peu d'amis qui pleurent ma perte. C'est le grand vide autour de moi, je revois ma vie d'autrefois. Je ne suis plus, je ne suis pas, je suis l'homme qui n'est plus là. Cerca de mí, tú no me ves. Háblame, no te escucho. Me olvidas, te vas. Soy el hombre que no está. Cerca de mí, tú no me ves. Háblame, no te escucho. Me olvidas, te vas. Soy el hombre que no está. Le monde est fantastique, le monde est fantastique, le monde est fantastique.